veille blêmit et joue, danse, et que les rythmes aigus dénouent tes bandelettes. Vois ce svelte fresque mouvante et sombre, danse, danse, paume vers nous. Water.